cœur qui bat. Un autre rythme que la samba. Sans cesse il guide ses pas. Au carnaval de Brasilia. Transpire plus que moi. Tes auréoles sont comme ça. On s'est si souvent moqué de moi. Je suis tellement maladroit. Je veux faire l'amour avec toi. Je veux faire l'amour avec toi. Ta-da-da. Ta-da-da. Ta-da.